satanique dans le cimetière, visant à réveiller les morts et les faire surgir de sous terre, réanimer leur corps sans pour autant leur redonner conscience, sortir de leur sommeil de plomb, les réduire en esclavage. C'est du bon sens face à des êtres qui ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Je voudrais te demander une faveur. J'ai longtemps réfléchi, mais maintenant j'ose. J'aimerais, quand viendra ton heure, te demander de me léguer quelque chose. Quand tu sombreras dans l'éternelle inconscience, c'est de ton corps dont j'aimerais que tu me fasses don, plutôt que de le céder à la science. Car tu sais que les cadavres ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Mais pourquoi tant de haine? Je ne suis pas zoophile, ni même pédophile. Je suis juste nécrophile. Je ne profane pas les morts, non, au contraire, je les honore. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne savent pas dire non. Les morts ne disent pas non.